de sortie. J'essaye d'éviter les orties. Et je passe mes journées sur l'ordi. Espérant de me voir sourire. Quel DAM, une pensée pour toi. Qui m'en garde de là-haut. Comment ne pas pleurer quand je regarde toutes ces photos? Maintenant la vie va m'écœurer, je me suis cogné sur un poteau. Je transmets mes émotions car je veux que tout le monde soit conscient. Tu étais ma seule potion, à toi tout seul t'étais la science. Dans ma vie t'étais un pont qui reliait pas mal de ports. Tous les jours poussais la foule pour que tes gamins évitent la mort. T'es le seul exemplaire du mec parfait par excellence. J'espère que le son va te plaire, je t'ai connu, j'ai eu cette chance. J'en garde des équelles, ton départ fut un crève-cœur. Je lève les yeux au ciel et t'imagines de bonne humeur. Je sais que de tout là-haut t'es pas très fier de ce que je viens. Tu me dirais bouge-toi salaud avant que tu bouffes ton destin. Seulement j'ai plus la force d'avancer sans ton soutien. J'ai mon cœur qui s'égorge, toujours la tête entre les mains. Seulement j'ai plus la force d'avancer sans ton soutien. J'ai mon cœur qui s'égorge, toujours la tête entre les mains. Et je cherche une route de sortie. J'essaye d'éviter les orties. Et je passe mes journées sur l'ordi. Espérant de revoir sourire. Et je cherche une route de sortie. J'essaye d'éviter les orties. Et je passe mes journées sur l'ordi. Espérant de revoir sourire. D.A.M. Ce son est dédicacé à tous ceux qui ont perdu un être proche et qui ont du mal à avancer sans. D.A.M. mise au point. T'es toujours dans ma tête, je pense à toi toute la journée. Au maximum je te reflète, mon cœur commence à séjourner. Je deviens n'importe quoi, ne rien foutre c'est mes journées. J'ai choisi de parler de toi car dans l'esprit j'ai chaviré. Explique-moi comment t'as fait pour te sortir de tes problèmes. Tu sais moi j'ai taffé, je récolte pas ce que je sais. Parfois je pensais au pire, quand bouger j'avais la flemme. Je disais qu'il fallait fuir et penser que Dieu nous aime. Yeah. D.A.M. 2011. Mise au point 2011, mise au point. Et je cherche une route de sortie. J'essaye d'éviter les orties. Et je passe mes journées sur l'ordi. Espérant te revoir sourire. Et je cherche une route de sortie. J'essaye d'éviter les orties. Et je passe mes journées sur l'ordi. Espérant te revoir sourire. C'est ça. Ok. Et je cherche une route de sortie. J'essaye d'éviter les orties. Et je passe mes journées sur l'ordi. Espérant de revoir sourire. Et je cherche une route de sortie. J'essaye d'éviter les orties. Et je passe mes journées sur l'ordi. Espérant de revoir sourire. Tomorrow's production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits.